La remise des stations du Parti travail de Corée et de l'État aux cadres, bâtisseurs, commandants et membres de la troupe de choc a eu lieu pour avoir accompli les exploits dans la construction de la centrale numéro 3 des jeunes héros Paektusan. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti travail de Corée, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, les cadres, bâtisseurs, commandants et membres de la troupe de choc. Après la lecture du décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Chun Yong-nam et 13 autres ont reçu le titre de héros du travail de la République avec la médaille d'or, marteau et faucille et l'ordre du drapeau national de première classe. La montre portant le nom du président Kim Il-sung, le diplôme d'honneur du camarade Kim Jong-un, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse, le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse, les titres honoraires, ordres et médailles sont remis en méritant.